بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui notre cours numéro 16 dans l'explication du livre de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, حفظه الله تعالى. Et on est dans le chapitre du divorce. On a commencé au dernier cours, on a expliqué le khul'. On continue donc maintenant avec la suite. Babun fi ahkam al-talaq. Babun fi ahkam al-talaq. C'est-à-dire un chapitre au sujet des règles du divorce dans l'islam. Et vous savez que à propos du divorce dans l'islam, il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi, en particulier parmi les kuffars et les munafiqin. Et donc, il y en a qui se permettent de dire n'importe quoi. Et dernièrement, justement, j'ai trouvé un documentaire qui avait été fait à propos des femmes en Inde. Hein, et ça disait que, dans l'islam, un homme, il peut faire un divorce instantané s'il veut. Il prononce trois fois le mot et puis ça y est, il est divorcé, des trucs comme ça. Et ils disent ça, c'est permis dans la charia ou je sais pas quoi. Donc, ils disent des choses sans connaissance en réalité. Et ils se basent en réalité sur l'ignorance des musulmans pour établir des règles et les attribuer à l'islam. Donc, s'ils trouvent que, par exemple, dans un pays quelconque, des musulmans font quelque chose, même si c'est pas en accord avec la sunna, ils vont dire, ah, ça fait partie de l'islam. Et ça, c'est l'islam. Alors que des fois, c'est des innovations, ou c'est des bid'ah, c'est des choses contraires à la sunna, hein. Donc le fait que des musulmans fassent quelque chose, ça ne veut pas dire que ça fait partie nécessairement de l'islam. Ça, c'est important de le comprendre. Donc de ne pas attribuer tout ce que les musulmans peuvent faire à l'islam. Parce que l'islam, c'est une chose et les musulmans, c'est une chose. Il ne faut pas mélanger les deux. L'islam, c'est la religion d'Allah, c'est la religion parfaite qui est révélée par Allah. Les musulmans sont des créatures, sont des êtres faillibles. Ils peuvent avoir raison comme ils peuvent se tromper. Hein? Donc, en dehors du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui est infaillible parmi les musulmans. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, pour revenir au sujet, bab al-talaq, ou bab fi ahkam al-talaq, Cheikh al-Fawzan, il dit, hafidhahullah, al-talaq fi al-luha, al-takhliya, yuqalu talaqat al-naqa, إذا صرحت حيث شاءت ومعناه شرعا حل قيد النكاح أو بعضه. Donc le divorce, le terme talaq en arabe signifie at-takhliya, c'est-à-dire de se at-takhliya, c'est-à-dire le fait de se détacher de quelque chose, hein, de se séparer de quelque chose, hein, de sortir de quelque chose. Et on dit à propos d'une chamelle qui n'est pas attachée, hein, on dit talaqat al-naqa, en voulant dire maintenant elle peut aller où elle veut, elle peut aller se promener comme elle veut, talaqat al-naqa. Et dans le sens religieux, ça veut dire de détacher la corde ou le contrat du mariage, de se détacher du contrat du mariage ou d'une partie de cet attachement-là. Et il dit « Amma hukmuhu fahuwa yakhtalifu bikhtilaf al-dhurufi wal-ahwal taratan yakunu mubahan wa taratan yakunu makruhan wa taratan yakunu mustahabban wa taratan yakunu wajiban wa taratan yakunu haraman » فيأتي عليه الأحكام فتأتي عليه الأحكام الخمسة. Donc ici le cheikh il explique qu'en réalité le jugement ou le verdict à propos du divorce, ce n'est pas un seul et unique verdict. Comme le mariage non plus n'a pas un seul et unique verdict. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que le mariage c'est obligatoire à tout le monde ou que c'est déconseillé à tout le monde ou que c'est obligatoire à tout le monde. Mais il y a ces cinq verdicts-là qui sont mentionnés. C'est-à-dire que ça dépend des situations et ça dépend des états, ça dépend des personnes. Ça peut être pour certains licite, ça peut être pour certains déconseillé, ça peut être pour certains recommandé, ça peut être pour d'autres obligatoire et pour d'autres ça peut être haram. Donc ça dépend de la situation de la personne. Et il donne des exemples, il dit « فَيَكُونُ مُبَاحًا إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ الزَّوْجِ لِسُوءِ خُلُقِ الْمَرْأَةِ وَالتَّضَرُّرُ بِهَا مَعَ عَدَمِ حُصُولِ الْغَرَضِ مِنَ الزَّوَاجِ مَعَ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ » Donc il dit, dans le cas où c'est licite, c'est lorsque l'homme, par exemple, il a le besoin de ça, il a besoin de se divorcer. Pourquoi? Parce que sa femme, elle a un mauvais comportement. Et ce mauvais comportement-là lui cause du tort. Et qu'il n'arrive pas à obtenir les bienfaits qui découlent du mariage en restant avec cette femme. Alors dans ce cas-là, c'est permis pour lui de divorcer la femme. Et tout ce qu'on dit par rapport à ça, on a mentionné déjà les cas pour le khulu' et on a expliqué des exemples sur ça. Donc on ne va pas parler maintenant aujourd'hui du cas de la femme, même si ça s'applique quand même. Il y a des règles qui s'appliquent quand même à ça. Il dit ensuite « wa yukrahu al-talaq idha kana li ghayri haja » يكره الطلاق إذا كان لغير حاجة بأن كانت حال الزوجين مستقيمة وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال والراجح أنه مباح مع الكراهة لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجة ورجاله ثقات وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حلالا مع كونه مبغوضا عند الله فدل على كراهته. Le cheikh il explique que si ce divorce là il est pour dans une situation de quelqu'un qui n'en a pas besoin, n'a pas besoin de divorcer, c'est pas quelque chose qui est un besoin, alors dans ce cas là si la vie conjugale elle est droite, elle est correcte, alors c'est détestable, c'est déconseillé de divorcer dans ce cas-là. Et selon certains parmi les imams, c'est même interdit dans ce cas-là. Certains parmi les imams, ils disent que dans ce cas-là, c'est interdit. Et il dit, qu'est-ce qui est correct, au rajih, qu'est-ce qui est le plus authentique à ce sujet-là, c'est que c'est permis, mais détestable. C'est permis, mais il y a quelque chose de détestable là-dedans. Et le cheikh il explique ensuite, il dit la preuve que c'est détestable, il dit c'est le hadith abradul halal ilallah at-talaq, c'est-à-dire la chose halal qui est la plus détestée d'Allah, c'est le divorce, qui est rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Et ce hadith là il a été déclaré da'if par Cheikh Al-Albani, d'accord. Toutefois le cheikh il l'a mentionné ici comme exemple. Il dit que dans ce hadith-là, il mentionne que le prophète, il mentionne que la chose est halal, la chose en question est halal, et que, malgré ça, Allah la déteste. Donc c'est la preuve que c'est quelque chose qui est makruh, détestable, déconseillé, malgré que c'est permis. Donc il dit, le fait que c'est détestable, il dit ووجه كراهته أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعا. Donc une des raisons pourquoi ce serait quelque chose de détestable, c'est parce que en faisant ce divorce là on enlève un mariage dans lequel il y a des bienfaits qui sont recherchés par la religion de l'islam. Et il donne un autre exemple dans un cas dans lequel le divorce est conseillé, recommandé. Il dit يستحب الطلاق في حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة كما في حال الشقاق بينها وبين الزوج وفي حال كراهتها له فإن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضررا على الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. Donc le cheikh explique qu'il est recommandé de divorcer dans le cas où il y a un besoin pour le divorce, du fait que si les époux restent mariés, il y aura dans ça un mal et un tort qui sera fait à l'épouse. Hein? Et donc, si, comme par exemple dans le cas où il y a des disputes hein, et des conflits entre l'homme et la femme, hein, ash-shiqaq, hein, des déchirures entre les époux, alors dans ce cas-là, il dit par exemple dans le cas où la femme elle, elle déteste son mari, elle peut pas le supporter, hein, alors si elle demeure avec cet homme-là dans ce mariage-là, eh bien ça peut causer du tort à la femme. Alors dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la darara wa la dirar, c'est-à-dire tu vas pas te faire du tort à toi-même ni faire du tort à quelqu'un d'autre, hein, ça c'est une des explications du hadith. Après le cheikh il dit ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها ولم يستطع تقويمها أو كانت غير نزيهة في عرضها فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين. Donc le cheikh il dit il est obligatoire de divorcer pour le mari, hein, il doit divorcer sa femme lorsqu'elle n'est pas droite dans sa religion, donc dans le cas de la femme par exemple qui ne fait pas la salat ou bien qui la retarde de son temps sans raison valable et qui n'est pas capable, malgré qu'il a essayé de la ramener à la droiture mais il n'a pas été capable, ou une femme qui n'est pas pure, qui n'est pas propre dans son honneur, hein, elle fait des choses déshonorantes, alors dans ce cas-là il est obligatoire pour lui de la divorcer, hein, dans une situation pareille selon l'opinion la plus authentique des paroles des ulama à ce sujet-là. Et il dit wa qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah idha kanat tazni لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال وإلا كان ديوثا. Donc il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit si la femme par exemple elle fait l'adultère ou la fornication, elle fait l'adultère, alors dans ce cas-là il est obligatoire, hein, il est obligatoire pour le mari dans ce cas-là de divorcer, hein, sa femme. Quand on a dit par exemple tout à l'heure, on a expliqué que le cheikh il explique que si par exemple sa femme elle fait l'adultère et lui il sait ça, ou bien elle même si elle fait pas le zina nécessairement, peut-être qu'elle fréquente des hommes ou elle parle avec eux ou elle les laisse rentrer chez elle pendant que son mari est absent, hein, ou des choses comme ça. Et que lui, il dit à sa femme de pas faire ça, mais elle continue quand même à le faire tout le temps. Hein? Alors, s'il accepte ça, il sera dayyuth. Dayyuth, ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'a pas de rira, il n'a pas de jalousie pour sa femme. Hein? Donc, dans ce cas-là, il est obligé de la divorcer. Et si, moi je te parle, si par exemple, comme dans le cas qu'on a vu au dernier cours, par rapport au khulu, que la femme... Son mari lui fait du tort, son mari lui fait de l'injustice, et elle veut se libérer de cet homme-là parce que il lui fait du tort, ou elle a quelque chose contre lui du fait qu'elle le supporte pas, et que lui il refuse. Tu comprends? Si il refuse, alors là dans ce cas-là, quel recours elle va avoir? Si elle est dans un pays musulman, elle peut aller dans un tribunal, puis aller demander au juge, il va imposer le divorce pour elle. Mais si elle est dans un pays comme ici, par exemple, où il n'y a pas un tribunal islamique, alors qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cas-là? Les ulama, ils ont dit que si elle est dans une situation où son mari lui fait du tort, soit qu'il la frappe, ou qu'il la bat, ou bien qu'il lui fait de l'injustice, et qu'il refuse de la divorcer, alors dans ce cas-là, si elle a un contrat de mariage, elle peut aller voir les autorités, demander à ce que le mariage soit dissous ou bien annulé, ou qu'elle obtienne son divorce civil, oui. Et dans ce cas-là, oui, ça va compter. Mais je t'ai donné un exemple bien spécifique. Est-ce que tu as compris? Arrête de boire ça pendant que je te parle. Je suis en train de t'expliquer un cas spécifique où la femme, elle subit une injustice de la part de son mari. Est-ce que tu comprends ça? C'est dans ce cas-là que, oui, ça compte. Tu comprends? D'accord. Khalas. Donc, si tu as compris, ça y est. La question, elle est claire. Non, alhamdulillah. Tout le monde est content maintenant. Alhamdulillah. Bon, donc pour expliquer ça, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, si la femme, elle fait le zina, l'homme, il ne peut pas la garder dans cette situation-là, sinon il va être un dayus. C'est ça que Ibn Taymiyyah a expliqué. Et ensuite, il dit, وَإِذَا كَانَ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَيْرُ مُسْتَقِيمْ فِي دِينِهِ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجَةِ طَلَبُ الطَّلَاقِ مِنْهُ أو مفارقته بخلع وفدية ولا تبقى معه وهو مضيع لدينه. Donc il dit, si par exemple c'est l'époux qui n'est pas droit, hein, il délaisse la salat, il fait pas ses obligations et ses devoirs, il dit dans ce cas-là c'est obligatoire à la femme de demander le divorce de cet homme-là et de se séparer de lui, hein, même par un khul' avec une compensation, mais elle ne doit pas rester avec lui alors que lui il perd sa religion. Et il dit ensuite le shaykh, وَكَذَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَ الطَّلَاقِ إِذَا آلَ مِنْ زَوْجَتِهِ بِأَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا وَمَضَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وأبى أن يطأها ويكفر عن يمينه بل استمر على الامتناع من عن وطئها فإنه حينئذ يجب عليه طلاقها ويجبر عليه لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Donc il dit, le cheikh, il est obligatoire également à l'époux de divorcer ses femmes lorsqu'il a fait al-ila. Al-ila, c'est-à-dire il a juré qu'il n'allait plus avoir de rapport intime avec elle. Hein? Il n'allait plus avoir de rapport ou de relation avec elle. Et il doit pas dépasser 40, il ne doit pas dépasser 4 mois à s'abstenir d'avoir des rapports intimes avec elle. Et si il dépasse ces 4 mois et qu'il n'a toujours pas eu de rapport intime avec elle, alors dans ce cas-là, il doit expier son serment. C'est-à-dire que s'il a juré qu'il allait pas faire de rapport avec elle, hein, Il a jusqu'à 4 mois. Il a 4 mois pour continuer à faire ça. Si après 4 mois, il n'a pas cessé de s'abstenir de ses femmes et qu'il n'a pas brisé son serment, eh bien dans ce cas-là, s'il continue à s'abstenir d'elle, alors il est obligatoire pour elle de la divorcer après 4 mois. Et il doit être forcé à divorcer. Hein? Pourquoi? Une des raisons pour ça, c'est parce que la femme, elle a des droits, elle aussi. Si elle reste comme ça, sans que son mari lui donne, satisfasse ses besoins et lui donne ses droits, elle aussi, eh bien, ça peut la pousser à tomber dans le péché. D'accord? Et ça, c'est très important. Et donc, on a parlé de au dernier cours de l'homme qui partait en voyage dans un autre pays pour travailler ou pour étudier et qui laissait sa femme dans son pays d'origine toute seule pendant des années hein, puis qui parfois même finalement il ne revient pas, alors elle, elle est toute seule, et peut-être même qu'elle a des enfants avec cet homme-là, et que lui il l'a abandonné complètement, donc est-ce que c'est correct? Non, c'est pas correct. Et il doit la divorcer, hein, s'il ne peut pas la prendre avec lui ou aller la visiter régulièrement. Hein, parce qu'elle a des droits, elle aussi. Et il cite le cheikh le verset 266 et 267 dans Surat al-Baqarah à propos de Al-Ilah, justement, qui fait partie des chapitres qu'on va parler de toute façon de ça en détail à propos de cette question de Al-Ilah. Donc le cheikh il a cité ces deux versets là pardon, 226-227 dans Surat al-Baqarah. Donc pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme, il y a un délai d'attente de 4 mois. Et s'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Mais s'il se décide au divorce, hein, celui-ci devient exécutoire, car Allah est certes audient et omniscient. D'accord? Et il dit ensuite, le cheikh, وَيَحْرُمُ الطَّلَاقُ عَلَى الزَّوْجِ فِي حَالِ حَيْضِ الزَّوْجَةِ وَنِفَاسِهَا وفي طهر وطأها فيه ولم يتبين حملها وكذا إذا طلقها ثلاثا ويأتي بيان هذا إن شاء الله. Donc ça c'est une chose aussi, c'est ça que je disais tout à l'heure, que beaucoup de gens ils connaissent pas les règles du divorce, et ils divorcent n'importe quelle manière, et parfois les koufars ils prennent de cette ignorance des musulmans des raisons pour critiquer l'islam, et ils attaquent l'islam en se basant sur les actions des musulmans au lieu de se baser sur les principes et les enseignements de l'islam eux-mêmes. Et on a expliqué que ce que les musulmans font, ça ne veut pas dire que ça fait partie de l'islam nécessairement ou que c'est en accord avec l'islam, hein? On a plein d'exemples de ça. Par exemple, le terrorisme, hein, beaucoup de musulmans qui font des actes de terrorisme, ils pensent que ça c'est correct, alors que ça c'est interdit par l'islam. Et l'exemple du divorce, certains musulmans ils divorcent n'importe comment. Ils pensent qu'ils peuvent juste prononcer talaq n'importe quand, n'importe où, n'importe quelle manière, et puis que ça va compter. Hein? Alors que non. Et donc le cheikh il explique, il dit, il est interdit pour le mari de prononcer le divorce lorsque sa femme elle a ses règles. Donc, combien de musulmans savent ça? Combien de musulmans il va prononcer le divorce de sa femme pendant qu'elle est menstruée, pendant qu'elle a ses menstruations? Alors que ça, c'est interdit. Et de même que c'est interdit de la divorcer dans une période de pureté dans laquelle il a déjà eu des rapports sexuels avec elle. C'est-à-dire que la femme, si elle a terminé ses règles, puis qu'elle s'est purifiée, toi, tu viens, tu as des rapports avec elle. Tu peux pas la divorcer, tu peux pas prononcer le divorce. Jusqu'à ce qu'elle ait eu ses règles et qu'elle se soit repurifiée. Là, après, tu peux prononcer le divorce, si tu veux la divorcer vraiment. Mais pas pendant qu'elle a eu ses règles et pas pendant que tu as eu un rapport sexuel avec elle pendant la période de pureté. Hein? Donc, combien de musulmans savent ça? Soit qu'ils divorcent pendant les règles, hein, pendant les menstrues, alors ça c'est interdit, ou bien ils ont un rapport sexuel avec elle, puis il prononce après ça le divorce. Et ça aussi, c'est interdit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas valable, mais c'est interdit de le faire. La question de la validité du divorce ou non, ça c'est un autre sujet. Et il y a divergence là-dessus entre les ulama. Est-ce que ça compte ou non? C'est-à-dire, certains vont dire, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle un talaq al-bid'i. C'est un talaq qui est innové. Mais certains disent, il compte pas. D'autres ulama disent, non, il compte. Il est interdit, mais il compte. Hein? Donc il y a divergence là-dessus, on va en parler de ça de toute façon. Attends. Le cheikh, il dit, Dalil ou Am. Donc, si par exemple, il dit, وَفِي طُهْرٍ وَطَأَهَا فِيهِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا, c'est-à-dire dans une période de pureté dans laquelle il a eu des rapports intimes avec elle, tant qu'on n'a pas remarqué qu'elle était enceinte. Parce que si elle est enceinte, eh bien, elle ne va plus avoir de règles jusqu'à l'accouchement. Hein, et même après l'accouchement, il y a les périodes de 40 jours. Donc, pendant cette période-là, hein, même s'il divorce, il va divorcer pendant la période lorsque la femme est enceinte, mais il doit attendre jusqu'à ce qu'elle ait accouché. Hein. Donc pendant tout ce temps-là, disons que sa période de idda va être très longue de toute façon. Peut-être que pendant ce temps-là, il va avoir des remords et il va regretter, puis il va reprendre sa femme, il va pas se séparer d'elle. Donc il y a des gens comme ça, c'est ça. Ils disent à la femme, je te divorce trois fois, hein, ou bien ils disent, je te divorce. Va-t'en, retourne chez tes parents. Donc la femme, elle sort, elle va chez ses parents. Il l'a divorcée pendant ses règles. Il a prononcé le divorce trois fois, ça c'est interdit aussi. Après, il l'a sortie de chez lui, alors que la sunna, c'est qu'elle doit rester avec lui, c'est sûr. Du moment qu'il l'a divorcée trois fois, par contre, ça c'est sûr que là, ça devient talaq ba'in. Si ça compte, ça veut dire que le divorce est définitif, il ne peut plus la reprendre après. Hein? Donc ça voudrait dire que elle peut plus vivre avec lui pendant cette période-là. Mais s'il avait divorcé une fois, là, il y aurait eu la période de idda, elle pouvait vivre avec lui et espérer qu'il y ait une réconciliation. Mais après, s'il a prononcé trois fois le mot divorce, là, il regrette. Après, il est trop tard. Il faut qu'elle se remarie pour qu'il puisse la reprendre, hein? Et là, ça c'est compliqué. Donc tout ça pour dire que il faut pas se précipiter, puis il faut pas rentrer dans le divorce sans connaître les règles. Donc le cheikh il dit wa dalil na'am wa kadha idha talaqaha thalathan. Ça aussi c'est interdit de prononcer le divorce trois fois comme les gens ils le font maintenant. Talaq, talaq, talaq. Oui, au même moment de le prononcer trois fois d'un coup là. Ça c'est interdit. Mais pourtant, il y a des hommes, ils ne savent que ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu les gens qui disaient ça. Alors, ils le font. Quand ils sont fâchés, là, ils sont énervés, alors ils le font. Mais est-ce qu'ils ont étudié le sujet? Est-ce qu'ils connaissent la question réellement? Non, ils ne connaissent pas. Donc, ils le disent trois fois. Alors que ça, c'est interdit de le dire comme ça. Ouais, comme tu dis. Hein? C'est comme dans les films, hein? Tu dis c'est dans les films, hein? Ben c'est ça, c'est vrai, c'est dans les films, les gens ils apprennent ces choses-là dans les films à cause de leur ignorance, au lieu d'apprendre ça des livres, des ulama ou bien d'apprendre des durus des ulama, ils regardent ça dans des films, alors ils répètent ça. Et le cheikh il dit wa dalil mashru'iyyati at-talaq al-kitab was-sunnah wal-ijma'. قال تعالى الطلاق مرتان وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجة والدارقطني ولغيره من الأحاديث وقد حكى الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم. Donc l'islam, contrairement à la religion chrétienne, elle permet le divorce, hein? Et les preuves de la permission du divorce sont nombreuses dans le Coran et dans la Sunna et dans l'ijma, le consensus. Donc il dit par rapport aux preuves du Coran, le verset 229 dans sourate al-Baqara, at-talaq marratan, le divorce est deux fois. Et le verset 1 dans sourate at-talaq, ya ayyuhan nabiyyu, ô toi le prophète, lorsque tu divorces les femmes, divorce-les selon leur idda, c'est-à-dire pendant, pas pendant leur période de menstrues, et pendant la période de pureté dans laquelle tu n'as pas eu de rapport intime avec elle. C'est ça que ça signifie « طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ». Et il cite un hadith qui est rapporté par Ad-Darqutni, إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ. Donc ça ici c'est un hadith parmi les hadiths qui mentionnent la mention du divorce. Et Al-Ijma, il y en a plusieurs parmi les hommes de science qui ont rapporté le consensus à ce sujet-là. وَالْحِكْمَةُ فِيهِ ظَاهِرَةً وهي من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم فإن فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Donc le cheikh il dit que la sagesse dans le divorce, elle est apparente. Et ça fait partie des beaux principes et des enseignements de cette religion de l'islam. Parce que il y a une solution pour les problèmes conjugaux lorsqu'on a besoin du divorce. Tandis que dans les religions où il n'y a pas cette possibilité-là, eh bien, parfois ça peut amener même à des conséquences vraiment graves, hein. Ça peut même amener parfois au meurtre ou à d'autres malheurs semblables. Et le cheikh il explique ensuite les preuves de ça parmi les choses qui indiquent cette sagesse-là dans le Coran par rapport au divorce. Le verset 229 dans sourate Al-Baqarah. فَإِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Soit tu gardes ton épouse dans le bien, hein, avec une bonne relation avec elle, ou bien tu la laisses partir d'une belle manière, avec bienveillance. Donc c'est pas de vivre avec elle et que ça cause du tort à l'homme ou à la femme, hein, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de bienfait, hein, ni pour elle, ni pour lui. Et il dit dans le verset 130, dans Sourate An-Nisa, et s'ils se séparent, il va enrichir chacun de ses largesses. Et certes, Allah est détenteur de largesse et sage. Et il dit فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ فِي الْبَقَاءِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ أَوْ حَصَلَ الضَّرَرُ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي الْبَقَاءِ مَعَ الرَّجُلِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَاسِدَ الْأَخْلَاقِ غَيْرَ مُسْتَقِيمٍ فِي دِينِهِ فَفِي الطَّلَاقِ فَرَجٌ وَمَخْرَجٌ. Donc il dit, si par exemple il n'y a pas de bienfait dans le fait de rester dans cette vie conjugale-là, ou que ça amène un méfait ou un mal pour l'épouse de rester avec l'homme avec qui elle est mariée, ou que ça cause un tort, hein, à l'un des deux à cause du mauvais comportement de l'autre, hein, qui n'est pas droit dans sa religion, alors dans ce cas-là, il y a dans le divorce une issue, hein, et une délivrance. D'accord. Et il dit وَكَمْ تُعَانِي الْمُجْتَمَعَاتَ الَّتِي تَمْنَعُ الطَّلَاقِ مِنَ الْوَيْلَاتِ وَالْمَفَاسِدِ وَالْإِنْتِحَارَاتِ وَفَسَادِ الْأُسَرِ. فالإسلام العظيم أباح الطلاق ووضع له ضوابط تتحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة وشأنه في كل تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والآجلة فالحمد لله على فضله وإحسانه. Donc il dit que regardez les sociétés dans lesquelles le divorce est interdit et vous voyez comment elles souffrent de toutes sortes de malheurs, de méfaits, de suicides et de corruption dans la famille et beaucoup d'autres problèmes. Donc il dit l'islam, cette grande religion, elle a permis donc le divorce et a établi pour ce divorce-là des principes qui peuvent concrétiser et faire en sorte que se réalise le bien et se repousse le mal. Et ça c'est la réalité de toutes les législations importantes et grandes dans l'islam qui comprenne tout ce qui est bon pour l'humanité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc louange à Allah pour cette grâce et cette bienveillance de sa part. Il dit wa amma man yasihhu minhu iqa'u at-talaqi fa huwa az-zawj al-mumayyiz al-mukhtar alladhi ya'qiluhu aw wakiluhu liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam innama at-talaqu liman akhadha bis-saq. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. Donc إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. يعني qu'est-ce que ça veut dire si tu le traduis littéralement? الساق c'est la jambe. Donc ça voudrait dire le divorce n'est que pour celui qui a pris la jambe. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est ça veut dire que c'est uniquement l'homme qui a le droit de divorcer. Et ici, le cheikh explique que pour que le divorce soit prononcé et que ça compte et que ça soit valable, il faut que la personne qui le prononce soit l'époux et il soit mumayyiz, c'est-à-dire qu'il ait le discernement, hein, c'est-à-dire que le discernement, c'est-à-dire il a l'âge de raison qui lui permet de distinguer entre les choses. Et al-mukhtar, c'est-à-dire il faut que ça soit une personne qui ne soit pas sous la contrainte, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit forcé, donc il a le choix et il n'a pas été forcé ou contraint à le faire par quelqu'un, comme si quelqu'un qui vient par exemple avec une arme et qui dit par exemple divorce-la, hein? Donc dans ce cas-là, s'il le prononce le divorce par la contrainte, ça ne va pas compter parce qu'il a été forcé. Et ya'qiluhu, c'est-à-dire, il a sa raison, il a toute sa tête, donc il ne va pas, par exemple, dans un moment de folie ou dans un moment de perte de conscience, prononcer le divorce, alors dans ce cas-là, ça ne compte pas. Ou bien pendant qu'il rêve, par exemple, il est endormi, il rêve puis il dit ça. Ça ne compte pas, tu vois. Si c'est la colère, ça veut dire que ça doit arriver à un niveau de colère qui s'apparente à la folie. Donc s'il est en colère au point d'être devenu presque fou, il a perdu la tête complètement, il sait même plus ce qu'il dit, alors dans ce cas-là, c'est de toute façon le cheikh il mentionne ça justement. Et donc c'est soit lui ou son wakil, c'est-à-dire celui qui a été désigné par le mari pour prononcer le divorce à sa place. Il a légué cette chose-là à l'autre, à une autre personne pour le faire à sa place. Donc dans ce cas-là, oui, ça comptera pour lui. Al-Wakil. Là, le cheikh il parle de ça maintenant dans le paragraphe là que je vais lire. Non, mais c'est pas grave. Le cheikh il dit wa amma man zala aqluhu wa huwa ma'a وهو معذور في ذلك كالمجنون والمغمى عليه والنائم ومن أصابه مرض أزال شعوره كالبرسام أو البرسام ومن أكره على شرب مسكر أو أخذ بنجا ونحوه لتداوٍ فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم إذا تلفظوا به في حال زوال العقل بسبب هذه الأسباب لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتو ذكره البخاري في صحيحه ولأن العقل هو مناط الأحكام. Donc le cheikh il explique que si la personne elle n'a plus sa tête, elle n'a plus la raison, elle est excusée dans ce cas-là d'avoir prononcé le divorce, comme la personne qui est folle, la personne qui a perdu conscience, la personne qui est endormie, hein, ou la personne qui est frappée par une maladie qui fait qu'elle perd la raison ou elle perd sa tête, hein. Il mentionne une sorte de maladie, al-birmas, al-birsam, peu importe le nom. Yani, si la personne elle est affectée par une maladie quelconque qui fait que pendant un certain temps ou bien de façon permanente, elle n'a plus la tête, donc bien entendu le divorce ne va pas être prononcé de façon valide de sa part. De même que la personne qui a été forcée à prendre quelque chose qui est intoxicant, qui va lui faire perdre la tête, ou bien quelqu'un qui a pris un médicament qui lui a fait perdre la tête aussi. Donc des fois il y a des médicaments comme ça qui étourdissent, bien qui font perdre la tête, ça peut arriver. Donc tout cela, leur divorce ne va pas être valide, même s'ils l'ont prononcé, parce que s'ils le prononcent pendant cette période dans laquelle ils ont perdu la tête, eh bien peu importe la cause pour laquelle ils l'ont prononcé, du moment qu'ils n'ont pas leur tête, ils n'ont pas toute leur tête, alors dans ce cas-là, ça ne va pas compter. Et il dit que Ali, radiallahu anhu, il a dit à ce sujet-là, le divorce est permis, excepté le divorce de la personne qui a perdu ses facultés intellectuelles ou bien qui n'a pas sa tête. Hein? C'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, et aussi parce que dans la religion de l'islam, dans la religion de l'islam, al-aql, la raison, ça, c'est une des bases de, c'est une des choses sur lesquelles le verdict de la charia ou les règles de la charia sont attachées à ça. Donc si quelqu'un n'a plus sa raison, eh bien les jugements de la charia ne peuvent plus s'appliquer. Et il dit wa amma in zala aqluhu bi ta'atihi muskiran wa kana dhalika bi ikhtiyarihi thumma talaqa fi hadhihi al-hal ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم على قولين أحدهما أنه يقع وهو قول الأئمة الأربعة وجمع من أهل العلم. Donc le cheikh il dit, si la personne elle a perdu la raison à cause qu'elle a pris de l'alcool, mais que c'était volontaire, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui l'a forcé à boire de l'alcool, elle a choisi elle-même de boire l'alcool volontairement. Alors dans ce cas-là, il y a deux positions chez les ulama sur la validité ou sur le fait que ce divorce-là va être effectif ou non. Et la position des ulama à ce sujet-là, la première, c'est que ça compte. Le divorce va compter malgré tout parce qu'il a fait ça volontairement. Et c'est la position des quatre imams parmi les madahib. Les quatre imams des madahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad, et un groupe d'entre les ulama. Ils considèrent tous que ça compte. D'accord? Parce qu'il s'est, il s'est enivré volontairement. وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ ظُلْمًا فَطَلَّقَ لِرَفْعِ الْإِكْرَاهِ وَالظُّلْمِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقَهُ لحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والإغلاق هو الإكراه لقوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والكفر أعظم من الطلاق فقد عفي عن المكره عليه فالطلاق من باب أولى فإن كان الإكراه على الطلاق بحق فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلي إذا أبى الفئة وقع الطلاق أو وقع طلاقه ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول أما الغضبان الذي أخذه الغضب فلم يدري ما يقول فإنه لا يقع طلاقه ويقع الطلاق من الهازل لأنه قصد التكلم به وإن لم يقصد إيقاعه والله أعلم. Donc ici le cheikh il mentionne d'autres exemples. Il dit par exemple la personne qui a été forcée à divorcer par injustice, comme la personne qui est contrainte, eh bien, si elle a été forcée à le dire puis qu'elle a dit le divorce pour se libérer de cette contrainte et de cette injustice-là, alors dans ce cas-là, son divorce ne compte pas parce qu'elle a été forcée. Et il cite le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de divorce dans yani, la personne qui a été contrainte. » Al-Ighlaq, c'est Al-Ikrah, c'est la contrainte. Et il dit que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 106, dans surat Al-Nahl, que si quelqu'un a été forcé de dire une parole de kufr, hein, alors que dans son cœur il avait la foi, alors il n'est pas, il n'a pas de péché, parce que il a fait ça sous la contrainte. Et si c'est le cas pour la personne qui dit une parole de kufr, alors le divorce c'est moins, le kufr c'est plus grave que le divorce. Hein? Donc la personne qui prononce le divorce sous la contrainte mérite encore plus d'être excusée. Il dit ensuite, le cheikh il mentionne ici une autre phrase. Et j'ai eu du mal à comprendre ici la signification, donc je vais juste passer par-dessus ce point-là. Je reviendrai dessus peut-être la prochaine fois. Et ensuite, il dit en ce qui concerne le divorce de la personne qui est en colère, c'est ça que le frère m'a posé la question. Le divorce de la personne qui est en colère. Si pendant qu'elle est en colère, elle sait qu'est-ce qu'elle dit, elle est consciente et elle sait qu'elle prononce le divorce et que c'est une colère ordinaire, alors dans ce cas-là, ça compte. Même que les ulama, des fois il y en a parmi les ulama qui ont mentionné justement, est-ce que quelqu'un en général il va divorcer sa femme dans un moment autre que lorsqu'il est en colère? La plupart des gens divorcent quand ils sont en colère seulement. Ils ne vont pas divorcer quand ils sont sereins et qu'ils n'ont pas de colère. Donc il ne faut pas s'étonner de ça. Le problème, ce n'est pas la colère, c'est-à-dire tu ne peux pas prendre comme excuse à chaque fois la colère. Parce que la colère, c'est quelque chose de normal. Et en général, quand par exemple quelqu'un est fâché avec sa femme, il est en colère, il va prononcer le divorce. C'est comme ça que ça se passe en général. C'est rare les hommes qui sont en train de s'asseoir, puis de prendre une feuille, puis de mettre sur la feuille les côtés. Bon, il va dire, bon, je vais peser le pour et le contre, et les côtés positifs et les côtés négatifs de mon divorce. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que ça vaut pas la peine? Et là, il prend en considération tous les points, toutes les choses. Et puis là, il arrive devant sa femme, il lui explique ça. Et là, il lui dit, bon, écoute, je te divorce. Hein? Il est calme, il est serein, il est posé. Et puis, il divorce comme ça, en toute bienveillance. Tandis que les hommes, non. Les hommes, c'est pas comme ça en général. C'est comme, ils sont en train de crier, ils se disputent. Puis là, ils passent par colère, là, ils explosent. Puis ils disent, bon, ça y est. Ou bien il y en a des hommes encore pire que ça, ils menacent la femme avec le divorce à chaque fois. C'est comme si c'est le fusil là qu'il met à chaque fois qu'il a un problème avec sa femme, il sort son fusil. Je vais te divorcer, hein. Mais c'est ça le problème avec le fusil. C'est que si tu sors, il faut que tu tires. Et si tu tires, tu sais que tu vas tuer. Et que toi ton but c'est pas de tuer. Alors pourquoi tu sors ce fusil, hein? C'est comme si tu veux tuer une mouche. Avec quoi tu vas la tuer? Tu vas la tuer avec une masse, avec un marteau, ou bien tu vas essayer de prendre un petit truc là pour la tuer les mouches? Non, il faut pas sortir les gros fusils si tu sais que tu vas pas l'utiliser, parce qu'à la fin ça va devenir une menace qui est vide, hein? La femme elle va dire ok. Vas-y, divorce-moi si c'est ça que tu veux, finalement. Parce qu'à chaque fois, tu le dis, puis tu le fais jamais. Finalement, un jour, elle va être fâchée, elle aussi, elle va être énervée, et elle va te dire, vas-y. Hein? Puis toi, tu vas faire quoi à ce moment-là? Elle va voir que tu n'es pas sérieux. Hein? Elle va voir que tu ne le penses pas vraiment, ou bien que tu ne veux pas vraiment le faire. Et toi, tu utilises ça comme un objet, comme une menace. Et ça, c'est la pire des choses à faire. Parce que le divorce, c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser de cette manière-là. Et c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser dans ce sens-là non plus. Hein? Parce que c'est le dernier recours. Après ça, il n'y a pas d'autre chose. Donc, utilise autre chose. Hein? Trouve d'autres méthodes, d'autres manières. Hein? Tu vas pas à chaque fois amener ta femme à faire quelque chose, tu utilises la menace à chaque fois du divorce. C'est insensé de faire ça. Hein? Allah al-Musta'an. Et donc, le cheikh, il explique que si c'est la colère que la personne a qui le prend, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une colère qui approche de la folie. Dans le sens que quand il est dans cette colère-là, il est dans un état où il sait même plus qu'est-ce qu'il fait, où il sait même plus qu'est-ce qu'il dit. Alors dans ce cas-là, ça va pas compter. Parce qu'il se rappelle même pas qu'est-ce qu'il a dit après. Hein? Et il dit, de même que la personne qui plaisante. Hein? Des fois, il y a des gens comme ça. Allah musta'an. Et même dernièrement, il y a un frère qui m'a dit, il vient de se marier avec sa femme, tout de suite, il dit, ah, je te divorce. Comme ça. Tu dis, mais subhanallah, tu viens de te marier, tu dis à ta femme, je te divorce. Et après, il dit, non, je plaisante. Ben, ça compte quand tu plaisantes. Oui. Le prophète, il dit, il y a trois choses. Si tu le dis sérieusement, ça compte. Et si tu le dis en plaisanterie, ça compte. Et une de ces trois choses-là, c'est le divorce. L'autre, c'est le mariage. Et l'autre, le troisième, je ne me rappelle plus, je pense que c'est le commerce. Hein? Ar-rujou', oui, ar-raj'a. C'est ça, quand tu veux reprendre la femme, ça compte aussi. Tu ne peux pas plaisanter dans ces affaires-là. Il n'y a pas de plaisanterie là-dedans. Si quelqu'un, là, comme ça, il veut plaisanter, il dit, ah oui, je te donne ma fille en mariage. Et l'autre, il dit, j'accepte. Non, non, je plaisante, c'est pas vrai. Mais, tu l'as mariée, ça y est. Elle est mariée pour de vrai. Après le divorce, tu veux dire? Si quelqu'un, il te dit, je te donne ma fille en mariage, hein, et l'autre, il dit, j'accepte, le mariage, il est conclu. Ben, s'il y a des témoins, oui, mais s'il n'y en a pas, ça, c'est-à-dire, les témoins, c'est pas difficile. Non, c'est le père de la fille. Par exemple, quelqu'un ici qui a une fille, il dit à un des frères, je te donne ma fille en mariage. Et l'autre, il dit, j'accepte. Vous êtes tous témoins là, c'est qu'il aurait dit ça à la personne. Eh bien là, le mariage compte. Ça veut dire qu'il serait marié vraiment. Le cheikh, il n'a pas un rôle réel dans ça. Il est obligé de venir à chaque C'est pas ça l'affaire. Le cheikh, il est là probablement juste pour vérifier que tout est fait correctement. C'est juste pour ça qu'il doit être là en réalité. Sinon, s'il n'était pas là, le mariage serait valide quand même. Tu comprends? Le wali, le prétendant, les deux témoins, ils demandent la question, il y a la réponse. C'est ça qui est important. Maintenant, après, c'est sûr, il faut qu'il y ait l'enregistrement du mariage et tout, pour que ce soit officiel. Sinon, ça compte pas. Hein. C'est-à-dire, en particulier dans les pays musulmans, là. Non, c'est-à-dire que ça compte pas socialement. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont dépassé les limites. Et ils ont transgressé dans ces questions-là. Et ils ont joué avec les filles des gens. Ils marient aujourd'hui, ils divorcent demain. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste coucher avec le plus de filles possible. Donc, il marie une, il la divorce. Demain, il marie une autre, il la divorce. Il marie une autre, il la divorce. Il fait juste consommer le mariage, puis il divorce. Mais religieusement, mais c'est pas ça qu'il faut comprendre. La charia, elle est reliée à plusieurs principes. Et si les ulama, ils ont dans un pays fait la fatwa qu'il faut absolument que le mariage soit enregistré pour que le mariage soit valide, alors il faut le respecter. Parce que ça vient dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le but de respecter et de protéger les droits des personnes. Sinon, les gens, ils se permettent de faire n'importe quoi. Les gens, ils ont plus de crainte d'Allah. Alors, puisqu'ils ont plus de crainte d'Allah, il faut établir les principes pour éviter que les gens fassent des transgressions. Et en général, c'est toujours comme ça. Quand les gens se permettent de faire n'importe quoi, les punitions sont sévères par la suite. Les règles deviennent plus serrées et les choses deviennent plus difficiles. Après, les gens, ils se plaignent. « Ah oui, mais dans l'islam, c'est pas si compliqué que ça. » Oui, mais c'est parce que vous avez transgressé trop. Et maintenant, on est obligé de mettre des règles pour serrer la vis, pour empêcher qu'il y ait des dépassements. C'est les dirigeants qui ont la responsabilité de vérifier ça et de faire ça. Et si les dirigeants disent « c'est obligatoire de le faire », alors ça devient obligatoire. Parce que l'obéissance aux dirigeants est obligatoire dans l'islam. Mais ici, c'est un pays de coffre. Donc, dans le pays de coffre, c'est sûr qu'il y a... Qu'est-ce que l'autorité va imposer? Tant que... Si tu vas dire, « Ah, mais c'est des koufars. Donc, si je peux m'en passer, je ne vais pas le faire. » Mais est-ce qu'il ne faut pas, même dans le pays de coffre, protéger les droits des musulmans et des musulmanes et veiller à ce que, justement, ils ne vont pas se permettre de faire qu'est-ce qu'ils veulent? Comme l'exemple du cas que je t'ai mentionné la dernière fois, du gars qui allait marier des filles dans plein de villes différentes, il faisait jamais de contrat de mariage, puis il les laissait sans les divorcer. Donc il va dire, « Ah, mais c'est un pays de couf, donc j'ai pas besoin d'aller enregistrer le mariage, j'ai pas besoin de faire ci, j'ai pas besoin de faire ça. » Et donc là, il joue avec ça. Hein? Et il se permet de transgresser, puis de détruire des familles. Bon, je pense que je comprends ce que tu veux dire par rapport à ça. Non, je comprends exactement où tu veux en venir. Mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier. C'est que la réalité, c'est que ça fait partie des conséquences négatives de vivre dans les pays de coufre. Donc, d'une certaine façon, il y a un moment donné où tu ne pourras pas t'en échapper de ces conséquences négatives-là. Et donc, tu subis ça. Si tu ne veux pas être dans cette situation où on t'impose des règles contraires à l'islam, alors va vivre dans un pays musulman. C'est ça la règle. Et si, par exemple, tu vas dire, « Bon, je suis ici et je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je vais me marier avec une femme musulmane. » Dans ce cas-là, mets-toi d'accord avec elle, déjà en partant sur les principes que tu veux que elle respecte par rapport à toi sur les questions qui ont rapport avec le mariage et le divorce. Et la parole s'envole et les écrits restent. C'est ça que les gens disent. Alors dans ce cas-là, tu l'écris avec elle, mais même si ça n'aura pas de poids légal, mais n'empêche que le musulman, il est censé respecter sa parole. Donc tu t'entends avec la personne sur ces principes-là. Si elle n'est pas d'accord, alors tu dis non, dans ce cas-là, c'est correct, on ne va pas se marier. D'accord? Mais sinon, comme je te dis, la meilleure solution, si tu veux éviter des complications comme ça, c'est d'aller dans un pays musulman et vivre là-bas et de te marier là-bas. Comme ça, Inch'Allah, tu sais qu'il n'y aura pas toutes ces complications-là. Effectivement. Donc c'est pour ça que la da'wa, elle est obligatoire partout. Et que l'appel à la charia et le fait d'appeler aux principes de l'islam, ça c'est obligatoire partout dans les pays musulmans et non musulmans. Parce que comme le frère il dit maintenant, qu'est-ce que les koufas sont en train d'essayer d'implémenter ici dans leur loi, ils essaient maintenant de plus en plus d'influencer les pays musulmans pour qu'ils acceptent les mêmes lois qu'ici, là-bas, hein, et déformer les règles de l'islam. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut qu'il y ait une résistance de la part des ulama, de la part des tulab al-ilm, dans le sens qu'ils doivent enseigner et éduquer la population et les musulmans pour qu'ils connaissent leurs règles islamiques et leurs droits en islam et qu'ils s'opposent à toutes les influences et les impositions des pays de kufr pour que ces gens-là cessent de s'ingérer dans la vie des musulmans et dans leur façon de vivre. Ça, c'est très important. Ala kulli hal. Et donc, c'est ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est ça. Le cheikh dit donc يقع الطلاق من الهازل لانه قصد التكلم به وان لم يقصد ايقاع. Donc même s'il n'avait pas l'intention, s'il a dit, ça compte. S'il était fâché ou s'il était en train de plaisanter, donc ça compte parce qu'on plaisante pas avec ces choses-là de toute façon. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, on continuera la semaine prochaine. Le chapitre suivant, c'est Babun fi talaq al-sunni wa talaq al-bid'i. Et c'est là qu'on va expliquer les détails. Quand est-ce que le divorce, de quelle façon le divorce doit être fait selon les règles de la sunna, et les différentes façons dont les gens font des divorces et qui sont en contradiction avec la sunna, et quand est-ce que ça compte, quand est-ce que ça compte pas. On va parler de ça au prochain cours, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.